بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant de commencer, inshallah, نشكر الله تبارك وتعالى ومرسي الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل البركة في هذا المجلس وفي هذا المسجد. كالله عز وجل مات sa bénédiction dans cette assise et dans cette mosquée. Et on remercie les organisateurs de cette mosquée, de la mosquée de nos jumeaux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les aide dans leurs œuvres et qu'ils acceptent leurs œuvres. Wa sanatakallamu inshallah ta'ala al-fawa'id min surat al-Fatiha. Et on parlera aujourd'hui inshallah des bienfaits à retirer, des bonnes idées à retirer. Et elles ne sont bonnes que si elles sont appliquées, comprises et appliqué de surat al-Fatiha. كل مسلم يقرأ في صلاته هذه السورة. Tout musulman lit et se doit d'apprendre par cœur cette sourate du Coran min kalam Allah azza wa jal. Chaque musulman qui prie la lit 17 fois par jour, puisque dans chaque rak'a, dans chaque unité de prière, on lit le Fatiha, qui est un pilier dans la prière. Celui qui ne lit pas surat al-Fatiha dans sa raka'a est annulée. Si sa raka'a est annulée, sa prière est annulée. Et il se doit de recommencer. Ou bien il sait comment rattraper s'il s'en aperçoit dans la prière. Min arkan al-salah, elle est parmi les piliers de la prière. Surat al-Fatiha, si on regarde bien, elle porte plusieurs noms. Elle est connue sous le nom de Ruqya, de la guérison, conformément à ce compagnon radiallahu anhu qui a lu Surat al-Fatiha sur un kafir qui était malade, qui s'est fait piquer par un scorpion ou un serpent, Allahu a'lam. Et il a lu 7 fois le Fatiha sur lui et il a eu la guérison. Elle est aussi appelée Al-Shifa, la guérison. Ruqya dans le sens guérison par la lecture du Coran. Elle est aussi une guérison, puisqu'on sait que le Coran, Shifa'un lil-mu'minin, il est une guérison pour qui? Pour les croyants. Bishart lil-mu'minin. Allah Azza wa Jalla a bien dit pour les croyants, c'est-à-dire à condition que tu es Al-Iman. Tu es convaincu que c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui parle par ce Coran, bi kalamihi subhanahu wa ta'ala, et qu'il a le pouvoir de guérir par sa parole. On l'appelle aussi Ummul Kitab, la mère du livre. Lorsque un mot il porte le sens de Ummul Kitab, c'est que tout a pour base cette chose-là. Ummul Kitab. Comme par exemple hadith Jibril alayhi salam. Tout le monde connaît le hadith Jibril. Lorsque Jibril est venu voir le prophète, il lui a dit informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'iman, informe-moi sur l'ihsan. Puis il lui a donné les définitions. L'ulama, les savants ont appelé ce hadith Sunnah. Pourquoi? Parce que dedans il y a tout l'islam. Il y a les 5 piliers de l'islam, il y a les 6 piliers de la foi et il y a l'ihsan. D'adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne vois pas, sache que lui, il te voit. L'islam kulluhu fi hadha al-hadith. Tout l'islam est regroupé dans ce hadith. Al-Qur'an kulluhu fi hadhihi surah. Fi surah al-Fatiha. Comme on va le voir, inshallah. Tout le Qur'an, en vérité, il pourrait être résumé dans... Et tout l'islam, il pourrait être résumé dans surah al-Fatiha. Comment peux-tu dire surah al-Fatiha et ne pas comprendre son sens? Tu la lis 17 fois par jour. Quel est le sens de chaque verset? C'est ce qu'on va voir, inshallah, ta'ala. Le fait que surat al-Fatiha, il faut savoir une chose, c'est que dans l'islam, quand une chose elle a plusieurs noms, plus elle a des noms, plus elle est importante. Comme Allah subhanahu wa ta'ala. 99. Allah azza wa jal nous a appris qu'il a 99 noms. Combien dans le Coran? 81 dans le Coran, 18 rapportés dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait 99. Bien sûr, il n'a pas que 99 noms. Il nous a informé qu'il a 99 noms, mais il n'en a pas que 99. La preuve de ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal, il lui a dit: je te demande par tous tes noms que tu nous as informés et ceux que tu as gardés secrets, ou bien ceux que tu as informés à certaines de tes créatures. Certains avaient ce nom-là, ils le possèdent, ils le savent, et ils invoquent par ce nom, mais les autres ne le connaissent pas. C'est bien la preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a plus que 99 noms. Plus la chose a des noms, plus elle est importante. Surat al-Fatiha, avec tous les noms qu'elle comporte, on appelle aussi les 7 répétés. Pourquoi est-ce que les 7 versets qui sont répétés dans chaque prière, dans chaque raka'a. Plus la chose elle a des noms, plus elle est importante. قبل تلاوة القرآن نقول كما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة الاستعاذة من الشيطان الرجيم. Avant de lire, on dit bien أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le fait de chercher refuge contre le diable, le lapidé. الرجيم. ما معنى الرجيم؟ Al-Radim, le lapidé, pourquoi? Il y a plusieurs sens là-dessus. Certains savants disent qu'il est lapidé par les étoiles, puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi le rôle qu'il a donné aux étoiles, c'est qu'elles embellissent le ciel, alhamdulillah, c'est beau, c'est qu'elles permettent de guider les voyageurs perdus en pleine mer ou en plein désert, ils se repèrent par rapport aux étoiles, et la troisième, c'est de lapider shayatin. Pourquoi est-ce que les shayatin se mettent au premier ciel? Ils ne peuvent le traverser et essaye d'avoir des informations. Et c'est comme ça qu'il redescend voir Sahir, le sorcier, et il lui donne quelques informations, il lui ramène une part de vérité, mais il rajoute 100 mensonges, afin d'égarer les gens. Mais si le sorcier ne dirait que des mensonges, personne ne le croirait. Le fait qu'il dise une vérité, et qu'elle est vraie, alors cela accroche. C'est comme le poisson avec l'hameçon. Tu as réussi à l'accrocher. Puis, ensuite, il fait le battle qu'il a l'habitude de faire, Allah al-Musta'an. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام un jour il dormait et sa tête était appuyée sur une pierre, son oreiller c'était une pierre. Puis est venu Iblis en personne. Il faut savoir une chose, c'est que Iblis se déplace pour l'Anbiya wa Rasul, pour les prophètes et les messagers. Chaque shaitan va avec selon le niveau de foi de la personne. Iblis pour lui c'est les prophètes et les messagers. Les plus grands hommes, c'est le plus grand des shayatines qui vient le voir. Il lui a dit, regarde dans quoi tu vis, t'as rien du tout, tu dors sur des pierres et regarde, ta tête elle est posée sur une pierre. Puis il a pris la pierre et il a dit, oui, celle-là elle est pour toi. Ar-Rajim, il l'a lapidé. Kazalik Ibrahim alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont fait le pèlerinage savent, lorsque l'on va lapider les trois stèles, c'est en mémoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam, à ces trois endroits précis où Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de sacrifier son fils. Son premier-né, Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Puis, Shaytan est venu à ce moment-là, à ces trois moments-là. Une fois, deux fois, trois fois. Toujours pour le même but. C'est ton seul fils unique et tu vas le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il a pris les pierres et il l'a lapidé. Ar-Rajim. Il est lapidé. Tayyib. Il y a aussi un autre sens qui est donné par certains savants, dans le sens où هو الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان الوسوس dans le sens où il lapide de وسوس hein, c'est comme quelqu'un qui va venir te jeter des pierres à force. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il te وسوس durant ta prière. It وسوس اذكر هذا وهذا وهذا, rappelle-toi ça. Pendant la prière tu t'es souvenu de tout, de ta vie, de tes enfants, de ta femme, de ton travail, tout. هذا من الشيطان. ولهذا نقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 fois sur la gauche. Pourquoi à gauche? Pourquoi à gauche? Parce que le cœur est à gauche. Le shaitan cherche à se rapprocher le plus possible de ton cœur pour pouvoir y lancer al-waswas. Chauffe. Il a ce vice. Pourquoi faire le tour? Pourquoi aller prendre plus loin? Le plus axé au cœur. نسأل الله العفو والعافية. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل a commencé son livre par cette surah, il a commencé par بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إن شاء الله on y reviendra, ainsi que le sens de الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الله تبارك وتعالى أو نقول الإلهي, الله عز وجل دي في صحيح مسلم dans un hadith divin, où Allah tabaraka ta'ala قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. La prière, Allah عز وجل dit que la prière entre moi et mon serviteur est divisée en deux. فإذا قال, lorsque mon serviteur dit من العبد أنا وأنت كل مسلم, il s'agit de qui? Allah Azza wa Jalla parle de qui ici? Il parle de chacun d'entre nous, chacun d'entre nous qui lit surat al-Fatiha. Il ne commence pas à croire et à dire mais comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, puisqu'on parle plusieurs en même temps et on parle, il y en a qui parlent de l'autre côté de la terre, wa hada. Allah Azza wa Jalla a créé le temps et le temps est une créature d'Allah, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala n'est soumis au temps. C'est le temps qui obéit à Allah, et non pas Allah qui obéit au temps. Donc ça c'est nous, notre manière de cogiter à nous, parce que nous sommes soumis au temps. Le temps il passe, il ne t'attend pas, quoi qu'il arrive. Les jours passent, les années passent, et on grandit et on vieillit. Hatta al-maut. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui n'est aucunement soumis au temps. Donc on n'a pas besoin de ramener la raison là-dedans. Tu crois en ce que le prophète sallam a mentionné. Allah Azza wa Jalla dit إذا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. Lorsque mon serviteur dit louange à Allah le Seigneur des mondes, قال الله تعالى حمدني عبدي. Mon Seigneur m'a donné ses louanges. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى. Lorsque le serviteur dit الرحمن الرحيم, au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jalla lui répond Afna alayya abdi. Il me donne les éloges. Mon serviteur me lance les éloges, me donne les éloges sur moi. Fa'idha qala maliki yumiddin. Lorsqu'il dit le roi du jour de la résurrection, qala Allah ta'ala Majjadani abdi. Il me rend là, yani, ma majesté. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. C'est toi que nous adorons et seul, et c'est de toi seul que nous cherchons le secours. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Cette partie-là est entre moi et mon serviteur. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le chemin droit. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأله. Cette partie-là, elle appartient à mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il a demandé. نقول في سورة الفاتحة. Donc on voit bien qu'Allah تبارك وتعالى ici a divisé lui-même sa parole en trois parties. Cette sourate, il l'a divisée en trois. Une dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, une qui impacte entre lui et son serviteur, et une qui est une partie dédiée à son serviteur. قال الله subhanahu wa ta'ala الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما معنى الحمد لله? Tout le monde dit الحمد لله. Quel est le vrai sens de الحمد لله? Une fois Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah كان في مكة في المسجد الحرام à la Mecque, dans la mosquée sacrée, il a interrogé les gens comme ça. Il leur a dit, donnez-moi le sens de Alhamdou. Wahad, il a répondu, il a eu faux. Un autre, il a répondu, il a eu faux. Et plus personne n'a répondu. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, Subhanallah, vous lisez 17 fois cette partie par jour dans vos prières et vous ne comprenez pas ce que vous dites. Adib. Naam. Si tu vas te présenter à un patron, le makhlouq il a le makhlouq. Si tu te présentes à un patron ou quelqu'un qui doit te donner de l'argent ou quelqu'un d'important, tu vas préparer ton discours. Et tu vas faire en sorte que chaque chose que tu dis, tu le comprends. كيف أمام الخالق الله سبحانه وتعالى Qu'en est-il du créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu parles à Allah Azza wa Jal sans comprendre. Comme un dua, tu demandes à Allah des choses que tu ne comprends pas. كيف? C'est bien d'avoir le bon comportement avec les gens. Ça c'est demandé, c'est important en tant que musulman. Mais le premier bon comportement qu'on te demande d'avoir, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après avec son prophète alayhi salatu wassalam. Puis après avec le reste de la création. Les compagnons du prophète wassalam, de les respecter, de les aimer pour tout ce qu'ils ont fait. Pour sauvegarder cette religion, pour qu'elle puisse arriver jusqu'à nous. Et qu'elle puisse aller aux générations d'après. De respecter les savants, de respecter ton père, ta mère, de respecter la personne âgée, de respecter l'enfant, de respecter le petit. Tout ça c'est bien, mais il y a un droit qui passe avant tous les autres droits, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تقرأ الفاتحة? Tu dis الفاتحة, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais alhamdoulilah, il n'est jamais trop tard. La science elle s'apprend et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alhamdou. Il faut faire la différence. Car parfois Allah subhanahu wa ta'ala fait donner ses louanges dans une notion de temps. Quelquefois il se les donnait dans une notion de lieu. مثلا قال الله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض. À Allah appartient la louange dans les cieux et dans la terre. Là on parle d'un lieu. Dans les cieux, في السماء, في السماوات والأرض, et sur terre. La louange appartient à Allah dans une notion de lieu, en tout lieu. Si elle est fi samawat wal ard, c'est qu'elle est dans tout lieu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa Allah la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah, yani fi ad-dunya wal akhirah. Hada fi az-zaman. Là, ici Allah azza wa jalla s'est donné les louanges dans une notion de temps, en tout temps. Dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, depuis son commencement jusqu'à la fin, et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Donc c'est une notion de temps. On est de passage sur cette terre, puis on va mourir, puis on va aller dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué la louange en tout temps et en tout lieu. Mais il a tout regroupé dans un seul verset, lequel? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu. Toute la louange, qu'elle soit en tout temps ou en tout lieu, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque toi tu dis ici Alhamdulillah, sache que c'est fi kulli makan wa kulli zaman, Alhamdu kulluha kulluhu lillah. Alhamdulillah, Allah, Ismullahi azza wa jal, il est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le nom que tous les autres noms vont suivre. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Awalan Allah. Bismillah, en premier, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal a ce nom, Al-Ilah, la divinité, la seule. Puis tous les autres noms suivent. Alhamdulillah, la louange. À ne pas confondre avec Al-Shukr, le fait de remercier. Quelqu'un, quand quelquefois on dit à quelqu'un remercie Allah, Ushkurullah, wa yaqul alhamdulillah. Mais en vérité, il y a une notion de différence entre Ashukr ou Alhamd. Ashukru lillahi azza wa jal, c'est le fait de remercier bil lisan wal jawarih. Walhamdu bil qalbi wal lisan. Lorsque tu remercies Allah par la bouche, par des paroles ou par des œuvres, ça c'est le fait de remercier, ce qu'on appelle en arabe ash-shukr. La louange elle est faite, à la différence de shukr, elle est faite par bil qalb, par le cœur. Tu remercies par le cœur. كيف نشكر الله عز وجل بالعمل? Comment est-ce qu'on remercie Allah par les bonnes actions? Si Allah عز وجل t'a donné un bienfait, tu lui as demandé quelque chose, il te l'a donné. Maintenant tu as demandé une belle voiture, alhamdulillah Allah il te l'a donné, ta facilité tu l'as eu. Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. C'est vrai que tu vas dire Alhamdulillah, Allah il me l'a donné. Ou Ashkurullah azza wa jal, je remercie Allah pour ce qu'il m'a donné. La yakfi. Mais ça ne suffit pas. pour remercier Allah complètement et correctement, tu ne dois pas faire le haram avec ce bienfait qu'il t'a donné. Ça rentre dans le remerciement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rab. Même un Ar-Rab. Lorsque tu dis Ar-Rab, l'un des noms d'Allah qui est Ar-Rab, le Seigneur, c'est que tu es conscient et tu reconnais de tout cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, wahdahu la sharika la, détient trois choses. Al-Khalq, la création. Lui seul crée. L'homme, il invente des choses, il fabrique des choses, mais il fabrique à partir d'une matière. Pour fabriquer une voiture, il lui faut de l'acier. Pour avoir de l'acier, il lui faut de la pierre. Pour fabriquer une maison, il lui faut du bois. Le bois, il lui faut une matière, il lui faut des arbres, etc. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lahu kun fayakun. Il dit soit la chose, elle est, à partir de rien. Et ça, c'est pour qu'on puisse comprendre. Mais en vérité, Allah azza wa jalla n'a même pas besoin de dire kun. Il n'a même pas besoin de dire soit pour que la chose elle soit. Wa ala kulli shay'in qadir. Wa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois reconnaître, lorsque tu dis Rabbil alamin, anta rabbi, ou rabbuna, tu es notre Seigneur. Tu reconnais qu'Allah détient la création à lui tout seul. Il crée quand il veut, comme il le veut, ce qu'il veut. Et à partir de rien. Subhanallah. Deuxième chose que tu reconnais lorsque tu dis Rabbil alamin, ar-Rab, c'est que tu reconnais qu'il a quoi? Al-Mulk. Malik fi mulkihi. Wa anta wa ana wa al-makhluqat min mulkihi. Qu'il est le roi dans son royaume. Tu fais partie de ce royaume. Toi, moi, nos pères, nos mères, nos enfants, tout ce qui se trouve, fi samawati wal ard, dans les cieux et dans la terre, fait partie du royaume d'Allah. Et qu'il est lui le roi seul dans son royaume. Yom al-Qiyama, comme il a rapporté dans un hadith du prophète sallam, Allah Azza wa Jal va convoquer Malik al-Mut, l'ange de la mort. Les djinns et les hommes seront morts. Mais il reste qui? Qu'est-ce qui reste? Les djinns, les hommes sont morts. Il reste qui? Al-Malaika. Il va dire à Malik al-Mut, viens, donne la mort à tous les anges. Il donnera la mort à tous les anges. Donc il restera qui? Malik al-Mut. Il lui dira, donne-toi la mort. Puisque c'est quoi son rôle? C'est de donner la mort. Mais quand tout le monde est mort, il n'en reste plus qu'une seule personne. Alladhi huwa al-hayyu la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il est vivant, mais il ne meurt pas. Alors il lui dira, donne-toi la mort. Puis il va se donner la mort. Et la mort sera transformée en une petite brebis noire qui sera sacrifiée yom al-qiyama. Il n'y aura plus de mort. Puis au moment où il va se donner la mort, il dira quoi? Si j'avais su que c'était aussi dur que ça, c'était aussi pénible, j'aurais été plus dur avec les croyants. Chouf, subhanallah. Kayfa al-kafir? Nas'Allah al-afwa wa al-afiyya. Il ne restera que qui? Comme au commencement. Allah subhanahu wa ta'ala. Seul. Puis là, Allah azza wa jal aura l'orgueil. Car seul Allah azza wa jal est digne d'avoir l'orgueil. Puis il dira, où sont les rois maintenant? Et le roi de rois, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même un roi dans cette dunya, son royaume appartient à qui? Le roi et son royaume appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un roi donne quelque chose de son royaume diminue. Il donne des terres, il donne de l'argent, son royaume diminue. Or le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala ne diminue jamais. Ne diminue jamais. Il donne la subsistance, il crée, il donne, mais son royaume ne diminue jamais. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Troisième chose que tu reconnais lorsque tu dis Ar-Rab, wa Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est At-Tadbir. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère son royaume comme il le veut, quand il le veut et de la manière qu'il le veut. Un homme un jour qui voulait prouver l'inexistence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris une espèce de gamelle. Il a laissé pourrir la nourriture dedans, il l'a laissé dans un coin. Quand ils sont revenus, il a ouvert. Il y avait plein de vers de terre. comme ça a moisi, ça a donné des sens à des vers, etc., etc. Des vers, des... Allah le Moustaan. Vous savez comment c'est quand quelque chose est moisi, toutes les bêtes qu'il y a dedans. Puis il a regardé les autres, il a dit, regardez ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, ça. Na'am, t'as pris la marmite, t'as laissé moisir toute la nourriture. Il y a un homme qui est arrivé, et il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est toi qui l'as fait. Il a dit, c'est moi et moi seul. Tayyib. Il y a combien de vers dans la marmite? Quand est-ce qu'ils sont nés? Quand est-ce qu'ils vont mourir? Donne-moi leur période de vie. Il a regardé. Il a dit, mais ça, j'en sais rien. Donc, c'est pas toi qui l'as fait. Car quelqu'un qui crée quelque chose, il connaît tout, du début jusqu'à la fin. Allah tabaraka wa ta'ala connaît tout de son royaume. Rien ne peut l'échapper. Il gère son royaume de manière à ce que rien ne lui échappe. Chaque goutte qui est tombée sur une rivière ou sur un fleuve, il le sait combien de gouttes sont tombées. Chaque grain de sable, il le connaît, puisque c'est lui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Chaque atome, chaque chose, chaque fourmi, chaque insecte qu'il y a dans cette dunya, Allah tabaraka wa ta'ala le connaît. Et il l'entend. وَالسَّمِعُ الْبَصِيرُ. Il le voit et il l'entend. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rabbi al-alamin. قال الله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فرعون a dit, c'est quoi رب العالمين, c'est qui? Qu'est-ce qu'a répondu Ibrahim عليه الصلاة والسلام? قال رب السماوات والأرض وما بينهما. C'est tout simplement le Seigneur, celui qui a créé, celui qui est roi et celui qui gère comme il le veut, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, وَمَا بَيْنَهُمَا, et ce qu'il y a entre les deux. Yani, tout, sauf Allah. Qu'est-ce que le royaume d'Allah? C'est tout sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. رَبُّ الْعَالَمِينَ. الْعَالَمِينَ, les mondes, le Seigneur des mondes. Quel monde? Le monde des hommes, le nôtre. Le monde des djinns, qui est un monde invisible, qu'on ne peut voir ou percevoir. Le monde de Al-Malaïka, le monde des anges. Wal-Hayawanat, et le monde des animaux. Est-ce qu'il y a un autre monde? Est-ce qu'il y aurait d'autres créatures? Si on dit oui, c'est qu'il nous faut une preuve. Si on dit non, c'est qu'il nous faut une preuve. Allahu A'lam. Ce qu'Allah n'a pas informé, on ne peut en informer. Mais ce qu'Allah a dit, ça, il n'y a pas, ou ça, ça n'existe pas, alors nous disons, il n'y a pas et ça n'existe pas. Mais là où il n'y a rien informé, ni tu ne peux confirmer, ni tu ne peux dire non. Mais ce qu'il nous a donné, nous suffit. Rabbul Alamin. Voilà le sens de Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. De chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque nom qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a, et découle d'un attribut. Lorsque Allah, il est l'alim, il est le savant. Pourquoi il est le savant? Parce qu'il a la science complète, parfaite. Chaque nom d'Allah est parfait. Chaque attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est tiré d'un seul et même attribut qui est Ar-Rahman, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, est-ce que tu t'es toi posé la question lorsque tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas posé la question? Mais pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas dit tout simplement Ar-Rahman? Pourquoi tout simplement Ar-Rahim? Pourquoi on a les deux? Alors qu'ils ont le même attribut à la base, qui est la miséricorde, Ar-Rahman. S'il y a les deux, c'est qu'il y a forcément une différence. Ar-Rahman, c'est une miséricorde qu'Allah a donnée à toute sa création. حتى المشرك والكافر والمنافق والمبتدع والفاسق إلى آخره. شوف الكافر يكفر بالله عز وجل il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, voire même il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il insulte son prophète alayhi salatu wa salam, et pourtant Allah tabaraka wa ta'ala dans son royaume lui donne de quoi manger et de quoi vivre et de quoi avoir une monture, une voiture ou tout ce que tu veux. C'est pas narrahma? Yakfur billah, il croit même pas en Allah et pourtant Allah il lui donne, subhanallah, adi arrahma. Mais il faut qu'il sache, chaque chose qu'il met dans sa bouche, chaque chose avec laquelle il s'habille, chaque chose qu'il utilise dans cette dunya, il aura un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur terre, il ne l'a fait que pour te faciliter pour pouvoir l'adorer. Car le seul but de ta création, c'est quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour le reste, t'as pas à t'en faire. Ta subsistance, tu l'auras. Y a pas un ange qui est venu dans le ventre de ta mère, qui a écrit les quatre choses sur ton front, qui est parmi les quatre choses quoi? Ta subsistance. Le verre que tu dois boire, je vais pas le boire à ta place. Ce que moi je vais manger, tu ne mangeras jamais à ma place. Ce que je dois avoir moi, jamais toi tu l'auras. Ce que toi tu dois avoir, jamais je ne l'aurai. Chacun a sa subsistance. Elle a été décrétée. Donc pourquoi tu t'en fais? La seule chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est les causes. C'est tout. Al-asbab. Tu fais les causes et c'est tout. Et Allah Azzawajal, si c'est un bien pour toi, il te le donnera. Si il te le donne pas, il te donnera mieux que ça. Ne t'en fais pas. Alors pourquoi est-ce que dans la prière, on pense à tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'Allah Azzawajal a dit وَلَا تَقَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَاءَ. N'approchez pas la prière en état d'ivresse. Ça c'est vrai, c'est descendu à l'époque. Pourquoi? L'alcool n'était pas encore interdit totalement. Donc, ils buvaient un peu, mais ils étaient ivres lorsqu'ils arrivaient à l'heure de la prière. Ils disaient n'importe quoi. Ils confondaient les versets. Beaucoup croient que ce verset il n'est plus valable. Wallahi, il est valable jusqu'à nos jours, jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que nous, on approche la prière en état d'ivresse de cette dunya. Tu ne sais même plus ce que tu dis, tu ne sais même plus ce que tu fais dans ta prière. Pourquoi? Parce que tu es ivre. Al-qalb, le cœur, il est ivre. Il est ivre de quoi? Des plaisirs de cette dunya. Eux, ils étaient ivres de l'alcool. Toi, tu es ivre de tous les plaisirs de cette dunya. Tu penses à autre chose, tu crois en autre chose. Jusque, tu ne sais même plus ni ce que tu dis, ni ce que tu fais. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, خاصة على المؤمنين يوم القيامة. Lorsqu'Allah عز وجل dit Ar-Rahman, c'est pour toutes les créatures, quelles qu'elles soient, croyant ou pas croyant. في الدنيا Ar-Rahim خاصة على المؤمنين يوم القيامة. Lorsque tu dis Ar-Rahim, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux seulement avec les croyants le jour de la résurrection. Pour le kafir ou le mushrik, pas d'Ar-Rahman. C'est trop tard. Ne rentre au paradis que par la grâce d'Allah. Mais ne rentre en enfer que par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jal s'est attribué Ar-Rahman? Pourquoi est-ce qu'on attribue cette Ar-Rahman qui est pour toute la création à ce nom-là qui est Ar-Rahman? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attribué Ar-Rahim? قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. Allah s'est élevé, le miséricordieux الرحمن s'est élevé au-dessus de son trône. Nous sommes sur terre. Regarde bien le royaume d'Allah comment il est. Et regarde bien ta place dans ce royaume. Nous sommes sur terre. Il y a sept terres. Certains savants ont mentionné sept couches de terre. Puis il y a Sama Dunya, le ciel de cette Dunya, qui n'est pas le premier ciel. Ce que tu vois, même le soleil, même Saturne, ou toutes les planètes que tu vois là, ce n'est même pas Sama Al-Awwal, ce n'est même pas le premier ciel. Ce qu'on appelle Sama Dunya. Le prophète a mentionné entre Sama Dunya ou Sama Al-Awwal et le premier ciel, il y a 50 000 années de marche. Tu peux prendre tous les télescopes du monde que tu veux. Essayer de regarder, tu ne verras jamais le premier ciel. Tout ce que tu vois, c'est Sama Dunya. Le deuxième ciel est plus grand que le premier ciel et tout ce qui l'englobe. Le troisième ciel est plus grand que le deuxième. Le quatrième est plus grand que le troisième. Le cinquième est plus grand que le quatrième et tout ce qui est en dessous. Le sixième est plus grand que le cinquième. Le septième est plus grand que le sixième. Puis se trouve au-dessus du septième ciel. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du septième ciel? Là? Non. Al-Kursi. Le repose-pied d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ne pas confondre avec l'arche, qui est le trône d'Allah. Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal-ard. Allah Azza wa Jalla dit, et son repose-pied est plus grand, et il englobe Wasi'a. Ça veut dire quoi Wasi'a? Qu'il englobe les cieux et la terre. Et le prophète a mentionné Al-Kursi par rapport à l'Arsh. Les sept cieux et les sept terres par rapport au Kursi sont comme une petite bague dans le désert. Subhanallah. Al-Kursi par rapport à l'Arsh, il est comme une petite bague dans le désert. Wa fawqa al-Arsh, et au-dessus du trône, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha naqulu Allahu akbar. Subhanallah. Regarde la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, et regarde la petitesse de toi et là où tu te trouves. Toi tu es dans le plus bas et Allah azza wa jal est au-dessus de toute sa création. Bi dhatihi fawqa al-'arsh wa fi ad-dunya bi'ilmihi هو في الدنيا بعلمه وفي الآخر وفي السماء بذاته. Allah de son essence lui-même est au-dessus du ciel, au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône. Et il est dans cette dunya par sa science. Il sait tout ce qui se passe ici. Mais en aucun cas Allah, une partie d'Allah est en partie. Certains disent il y a une partie d'Allah dans chacun d'entre nous. S'il y a une partie d'Allah dans chacun d'entre nous, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a une partie d'Allah qui s'en va. Là. Tu es en train de rabaisser notre Seigneur. Non. Allah Azza wa Jal, il n'est ni dans toi, ni dans moi, ni dans ceci, ni dans cela, ni dans un animal, ni dans quoi que ce soit. Il est au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création. Donc le fait qu'on ait dit Ar-Rahman istawa ala al-Arsh, le fait qu'il soit au-dessus de toute sa création et qu'Allah ait utilisé le terme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et cette miséricorde, on voit bien qu'elle est à toute la création. Puisqu'il est élevé au-dessus de toute sa création. Subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Malik. Le roi du jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal, est-ce que tu sais c'est quoi yawmiddin? Le roi du jour de la résurrection. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma yawmiddin. Et sais-tu ce qu'est le jour de la résurrection? ثم ما أدراك ما يوم الدين. Et Allah Azza wa Jal redit une deuxième fois, est-ce que tu sais c'est quoi le jour de la résurrection? يوم, c'est un jour. لا تملك نفس لنفس شيئا, où aucune âme ne pourra faire quoi que ce soit à une autre. Elle ne peut gérer ni sa propre âme ni l'autre. Ne peut rien faire. Un ne peut rien faire pour l'autre. Nefsi, nefsi. Comme ont dit les prophètes et les messagers. Ce jour-là, ce sera nefsi, nefsi. C'est pour ça qu'il y a un khiyad et une nasiha li nefsi awwalan, thumma li anfusikum. Dans la religion, avance et n'attends personne. Apprends et n'attends personne. Avance. Comme il disait Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallah, avance, œuvre et ne te retourne pas. Si tu retournes, tu vas avoir des regrets et tu vas reculer. J'aurais dû ça, j'aurais dû ceci, j'ai fait ça. Là, œuvre, fais l'ibadah, tatloub al-ilm, apprends la science, avance dans ta religion et ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Celui qui avance, alhamdulillah, celui qui avance plus vite que toi, accroche-toi à lui. Celui qui avance pas, tends-lui la main, et s'il ne veut pas avancer, nefsi, nefsi. Sinon, tu vas le regretter. Sinon tu vas le regretter. Yom al-Qiyamah, tu diras quoi? Oui, mais il y a l'autre, il y avait celui-là, il y avait... Là. Celui que tu devais suivre, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui l'exemple, c'est pas les autres. Avance. Des péchés, tu en feras. T'en as fait, t'en feras. Tout le monde en fait. Si on n'en ferait pas, la Azoulé nous aurait exterminé. Il aurait mis un autre peuple qui fait des péchés et qui demande pardon. Mais Shaitan, il essaie de te sauver en te disant, regarde ce que tu fais. Tu commets les mille et un péchés, après tu vas à la mosquée. Tu mets les mille et un péchés, après tu ouvres ouvrir le livre d'Allah. Tu vas à un cours alors que tu commets l'al-Marfiya. Mais depuis quand les péchés, c'est une condition pour arrêter une adoration? Depuis quand? Il n'y a pas de preuve là-dessus. Un péché n'a jamais été une cause pour arrêter l'adoration. Certains disent, oui, mais ça ne sert à rien. Je dis en vérité, autant que je laisse ça, parce qu'avec tout ce que je fais de mal... Le prophète n'a pas dit la bonne action efface la mauvaise. Subhanallah. هذا من وسوسة الشيطان. Le diable, il faut le connaître. Il faut le connaître parce que tu ne peux pas lutter contre quelqu'un que tu ne connais pas. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné ses ruses. Comme ils disent le Salaf al-Salih, le diable ouvre 99 portes de bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Pour quoi ? Une porte du mal. Il est rusé. Mais il est maudit. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et en aucun cas, tu ne dois avoir peur de lui. Maliki Yumiddin. Al-Din, il peut avoir plusieurs significations. Le roi du jour de la résurrection. Ici, on sait que c'est Yumiddin, le jour de la résurrection. Mais il peut aussi vouloir dire Lakum dinukum waliyadin. C'est-à-dire le sens de Al-Millah, la religion. Lakum dinukum waliyadin. À chacun sa religion, à chacun sa croyance. Donc, quelquefois, il peut avoir le sens de ce qui est rétribué le jour de la résurrection. Hein, le jour de la récompense ou la rétribution, quelquefois il peut avoir le sens de religion. Mais ici il a le sens de bilma'na al-jaza, c'est-à-dire la rétribution. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Cette partie elle appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est les louanges à Allah. Allah s'est donné ses propres louanges et ses propres éloges. Cette partie elle appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle concerne Allah azza wa jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul que nous implorons le secours. Mais chercher le secours, ça fait partie de l'adoration? Ça fait partie de l'adoration. Alors pourquoi avoir dit ça juste après le fait d'adorer? Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Rentre dans l'adoration, le fait de chercher le secours, le fait de mettre sa confiance en Allah, le fait d'avoir peur d'Allah, le fait de craindre Allah, le fait d'espérer en Allah. Mais alors pourquoi avoir rajouté juste après « وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ » et c'est toi seul que nous cherchons le secours. Alors que la recherche du secours elle-même fait partie de l'adoration. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas mis autre chose? C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous espérons. Ou c'est de toi seul que nous avons peur. Non. Il a dit « وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ » et le fait qu'il ait dit « فِلُّرَاتِ الْعَرَبِيَا إِيَّكَ » il n'a pas dit « نَعْبُدُكَ » nous t'adorons. Parce que si tu dis Na'buduka, nous t'adorons, il se peut qu'on t'adore toi, mais on adore quelqu'un d'autre avec. C'est comme si tu dis à quelqu'un Inni uhibbuka, toi je t'aime. Est-ce que ça veut dire que t'aimes pas quelqu'un d'autre? Tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux aimer aussi quelqu'un d'autre. Comme tu peux adorer quelqu'un et adorer quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui adorent Allah et qui adorent un autre avec Allah. Adam Nishirk. Mais le fait que la phrase elle est tournée dans ce sens-là, Iyyaka na'budu, ça veut vraiment dire c'est toi seul. Wahdahu la sharika lah. Toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi seul que nous cherchons le secours. Pourquoi avoir mis le secours? On l'explique de deux sens. Dans un sens déjà, seul celui qui est adoré mérite qu'il soit le seul dont on cherche le secours. Seul celui qui mérite l'adoration, véritablement, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui va te juger, celui qui te donnera le paradis ou l'enfer. On assure Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-jannah. Wa na'udhu billahi subhanahu wa ta'ala min an-nar. Seul celui qui est digne de recevoir cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, est digne de recevoir cette demande du secours. Il y a des gens qui cherchent secours vers des créatures d'Allah, alors qu'elles n'en sont pas capables. Demander de l'aide à quelqu'un alors qu'il en est capable, oui, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il était dans le feu. On l'a jeté dans le feu. Vous l'avez dans le Coran. Qui est venu l'aider? Jibril, alayhi salatu wa salam. Jibril, lui suffisait de quoi? Pour anéantir des peuples, de mettre juste le bout de son aile sous cette cité ou sous ce peuple, et de soulever son aile pour faire tout sauter, pour la détruire. Ça, c'est la puissance de Jibril. Qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Lorsqu'il est venu le voir, il lui a dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Regarde Ibrahim alayhi salatu wa salam, prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah alayhi salatu wa salam. Regarde la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, la place du tawhid, de l'unicité d'Allah. Il a bien compris la ilaha illallah, ce que ça veut dire. Il a dit, c'est pas de toi que j'ai besoin. J'ai besoin d'Allah. Ça veut dire quoi ça? Ça aurait été n'importe quel d'entre nous, vite, vite, vite. Dépêche-toi, là c'est chaud, j'ai pas le temps, allez, allez, fais ce que tu veux, comme tu veux, sors-moi d'ici. Mais lui, il a le tawhid, il a dit quoi? C'est pas de ton aide, j'ai besoin de l'aide d'Allah, moi. Dans quel sens? Toi, pour m'aider, il te faut la permission d'Allah. Alors pourquoi je demanderai pas directement à celui qui donne cette capacité, cette permission? Direct. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, malgré que ça lui était permis, là. Pourquoi aller voir, soi-disant, ce qu'on appelle le wali? Aller voir le sahir, un sorcier. Le sorcier ne peut rien faire pour toi. S'il pourrait faire quelque chose pour toi, il travaillerait. Il n'a pas de travail, c'est toi qui lui donne le travail. Un sorcier n'a pas de travail, c'est toi en allant le voir qui lui donne du travail. Yahdam ma'a shayatin. Wali'adu billah. Pourquoi demander à des morts qui n'entendent pas, ils n'ont même plus de corps. Tout ce qui reste, c'est une partie d'un os. Toi, tu es plus puissant qu'un mort. Tu vis, tu as le quwwa, tu as la force. Le fort demande au faible. Subhanallah. Le fort demande au faible. Ou des gens qui demandent à des statues, ou à des arbres, ou à des pierres. Ça, il ne faut pas croire que ça n'existe plus de demander à des arbres et des pierres. Tu vas dans certaines régions, dans des pays, où ils demandent l'aide d'un arbre. Jusqu'à ce que certaines femmes stériles demandent à cet arbre-là la fertilité. Wali'adu billah. Le fort demande au faible. Celui qui entend et qui parle demande à celui qui ne peut ni entendre ni parler. Adib, chouf shaitan. Incroyable. Comment le fort peut-il demander au plus faible? C'est comme si quelqu'un il a pas de bras, tu lui dis tiens, tu peux m'aider à porter les courses. Wallahi, c'est la même chose, mais en pire. Il n'est pas capable de t'aider, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit, ni pour lui, ni pour toi. Et pourtant, toi, tu es plus capable que lui, et c'est toi qui demandes. Au lieu de demander à celui qui peut tout faire, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième sens qui est donné, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la yumkin al-ibada bidun al-isti'ana. Il est impossible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans chercher le secours auprès d'Allah. Et ceci est expliqué par cette parole que tout le monde a dit au moins une fois dans sa vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Nul. Comment il traduit en français? La hawla wa la quwwata illa billah. Nulle force et de puissance qu'en Allah. Mais la force et la puissance, c'est quoi la différence? La hawla wa la quwwata. Tu t'es pas posé la question qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il y a les deux? Pourquoi il n'y a pas une notion, une différence entre les deux? Comme on a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibn Abbas, radiallahu anhumma, il a donné une bonne explication très claire. La hawla, nulle force en Allah, nulle puissance en Allah, dans le sens où tu ne peux faire l'adoration d'Allah et faire ce qu'il t'a rendu obligatoire et ordonné sans la puissance d'Allah. La hawla, ça c'est la première partie. Wa la quwwata. Al-Quwwa, cette force-là, sans cette force-là, la deuxième partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourrais délaisser ce qu'Allah t'a interdit. La hawla, c'est pour ce que tu dois faire. La hawla wa la quwwata, c'est pour ce que tu dois délaisser. Allah te donne la force, la puissance de pouvoir délaisser cette chose-là. Illa, illa billah. Tu ne peux faire ce qu'Allah t'a ordonné sans la force d'Allah. Tu ne peux délaisser ce qu'Allah t'a interdit sans la puissance d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. كذلك في سورة الفاتحة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين لا يمكن العبادة بدون الاستعانة. Tu ne pourrais adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu pourrais faire qiyam Ramadan sans la puissance d'Allah? Comment tu pourrais faire qiyam Tarawih qui est dur? Pour certains c'est facile, alhamdoulilah, Allah il aura facilité là-dedans. Pour certains c'est dur, sans la puissance d'Allah, tu ne pourrais pas. Comment tu pourrais te retenir de manger et de boire sans la puissance d'Allah? Tu ne pourrais pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Surat al-ladhina, ihdina surat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Donc la partie entre Allah et le serviteur, on l'a faite. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça c'est le pacte entre Allah et son serviteur. On tombe dans une troisième partie qu'on a dit au début qui concerne qui? Le serviteur seul. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, malik yawmiddin, c'est Allah vers ses créatures. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le pacte entre Allah et ses créatures. Ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waradh-dhalin. C'est la créature envers Allah. Sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Il n'a pas dit ihdina ila sirat al-mustaqim. Non, il a dit directement ihdina sirat al-mustaqim. Il y a une différence entre je te montre le bon chemin et je te montre le bon chemin et tu vas prendre ce bon chemin et je vais te mettre dans ce bon chemin. Alaykoum salam wa rahmatullah. Connaître le bon chemin c'est une chose, mais l'emprunter c'est une autre chose. Chaque créature d'Allah vient un jour où la vérité lui parvient, mais certaines personnes ne prennent pas ce chemin. Or là, faut que tu saches que le sens c'est quoi? N'est pas de te montrer seulement le bon chemin, c'est de non seulement te le montrer mais de t'y mettre. Ihdina sirat al-mustaqim, le chemin droit. Mais c'est quoi ce droit chemin? Tu es en train de demander une chose à Allah. Tu te dois de savoir ce que tu demandes. Allah Azza wa Jalla lui-même t'aide en expliquant. Sirat alladhina an'amta alayhim. C'est quoi ce droit chemin? C'est le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Comment tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te mette sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits? Tu sais même pas c'est qui ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. C'est comme si tu disais, fais-moi suivre cela. Mais c'est qui? C'est cela. Et comment tu fais pour les suivre? C'est quoi les causes pour les suivre? Allah Azza wa Jalla a expliqué ce verset par un autre verset. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. C'est qui cela? Ce qu'Allah a comblé de bienfaits et que tu es en train de demander à te mettre sur leur droit chemin? C'est tout simplement ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens des versets. فَأُولَٰئِكَ, et cela, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, cela qui est Allah Azza wa Jalla les a comblés de bienfaits. Parmi qui? مِنَ النَّبِيِّينَ, les prophètes. Qui est le meilleur des prophètes? Ma'ruf Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Chaque musulman qui entend le nom du prophète se doit de dire alayhi salatu wa sallam ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam minbar, il était sur le minbar, il a dit amin, amin, amin. Les sahabes ont dit pourquoi tu dis trois fois amin? Parce qu'ils n'ont pas entendu pourquoi. Il a dit Jibril est venu, il m'a dit trois choses et j'ai dit trois amin. Il a fait trois doa, j'ai dit amin à chaque doa. En plus on sait que les deux à des anges sont exaucés et celles des prophètes exaucées. Là tu te retrouves avec les deux. Il a dit celui que les parents ne sont pas satisfaits de lui le jour de la résurrection, il soit maudit. Il a dit amin. Celui que lorsqu'il entend mon nom, il ne dit pas les salutations. Il ne dit pas alayhi salatu wassalam. Aou sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il est maudit. Il a dit amin. Puis il a dit, celui qui pendant le mois de Ramadan, Allah ne lui pardonne pas. Il a dit, amin. Subhanallah. Chaque musulman se doit de dire, alayhi salatu wa salam, ou sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il y a plusieurs formules, vous avez des livres qui vous expliquent ça. Donc le chemin droit, le chemin de ceux qu'Allah a comblé de bienfaits parmi les prophètes. Le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wal-siddiqin, les véridiques. Qui est le meilleur des véridiques? Il porte son nom, Abu Bakr. Abu Bakr, siddiq, le véridique. Wal-shuhada, les martyrs. Qui est le meilleur des martyrs? Aktharu min al-muslimin hum yakuluna Hamza. Wa abdalu minhu Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Qui a été tué en martyr avant lui? Il a été assassiné d'un coup de couteau dans le dos, en pleine prière. C'est Omar ibn Khattab. Or, Omar ibn Khattab, dans la place des compagnons, est meilleur que Hamza. Mais cela n'enlève rien à la place de Hamza, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Wassalihin. Ainsi que de tous les pieux. Voilà ce que tu es en train de demander là. Guide-moi sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ceux que tu as comblés de bienfaits, ils sont dans un verset où Allah a expliqué c'est qui. C'est le chemin des prophètes. d'être sur leur droiture. Ce à quoi ils ont appelé. Ils ont appelé à quoi? À l'unicité d'Allah. Tous, sans exception. D'adorer Allah seul, sans rien lui associer. T'as peur que d'Allah. Tu ne crains qu'Allah. Il y a la peur qu'Allah t'a créé avec. Si je te mets dans une cage avec un lion, t'inquiète pas, tu vas avoir peur. Tout le monde a peur. Mais ça, c'est une peur qui est naturelle. Mais la peur au point de délaisser la religion d'Allah, d'avoir peur d'une créature au point de délaisser la religion d'Allah, alors cette adoration-là du cœur, elle n'est pas tournée vers celui à qui elle doit être tournée. Elle est tournée vers une créature d'Allah. La ta'atul makhluq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Le chemin des véridiques, et parmi eux le mieux, Abu Bakr Saddiq, donc le chemin de ses compagnons. Qui a mieux compris l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si ce n'est pas ses élèves, c'est qui ses élèves? C'est les compagnons. Une chose toute simple, les gens ne l'appliquent pas. Il va prendre d'un shir, d'un tel, mais est-ce que celui-ci, il suit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne n'a mieux compris l'islam après le prophète même que ses compagnons. Subhanallah, une chose toute simple. Mais les gens vont compliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien la transformer. Tayyib. Surat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, la colère d'Allah, ainsi que le chemin des égarés. Chouf, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu remarques bien dans la lecture du Coran, fi kalamihi, il te parle toujours du mal, tout de suite après il te parle du bien. Ou bien il te parle du bien, tout de suite après il te parle du mal. Quand il parle de l'enfer, regarde bien, juste après il parle du paradis. Quand il parle du paradis, regarde bien, il parle de l'enfer. Quand il t'ordonne un bien, regarde bien, il te dit ne fais pas le contraire. Il encourage comme il prévient. Ce qui signifie que tu dois être équilibré. Al-Muslim fi qalbihi, dans son cœur, il doit être équilibré. Tu dois adorer Allah en aimant Allah subhanahu wa ta'ala, mais accompagné de deux choses. Autant tu crains le châtiment d'Allah, en même temps tu espères qu'Allah te pardonnera. Donc tu ne dois être ni dans un extrême ni dans l'autre. C'est pas quelqu'un il fait tous les péchés du monde, il te dit, de toute façon Allah Azza wa Jalla, il pardonne tout. Et il s'amuse à faire les péchés. Il dit, Allah va me pardonner, c'est rien. Lui, il est trop dans l'espérance. Il ne craint même plus. Et l'autre, il a désespéré de la miséricorde d'Allah. Il est trop dans la crainte. Lui, il dit quoi? De toute façon, ça ne sert plus à rien que j'adore, parce qu'avec tous les péchés que j'ai fait, ça ne sert plus à rien. Khlas. Moi, ça y est, mon cas, il est fait. Il est dans l'autre extrême. Là, tu dois être équilibré. Dans ton adoration, on doit trouver l'amour d'Allah accompagné de la crainte d'Allah et l'espérance d'Allah. Les ulama, ils ont dit, c'est comme un avion. T'enlèves une aile, qu'est-ce qui se passe? Ni tu déconnes, ni tu voles, ni tu fais quoi que ce soit. Et si t'es en l'air, on t'enlève l'aile, tu tombes. Équilibré. Autant tu crains Allah, son châtiment, qu'autant tu espères la miséricorde d'Allah. غَيُّرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ مَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ الْغَدَبِ. C'est bien la preuve qu'Allah s'énerve. Allah Azza wa Jal a cette sifa, cet attribut qui est la colère. Allah Tabaraka wa Ta'ala, autant il aime ses créatures, qu'autant il est en colère après certaines de ses créatures. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est en colère? Il a cette colère avec toutes ses créatures? Non. Il l'a avec celles qui le méritent. Il l'a avec celles qui le méritent. Mais quelqu'un qui ne mérite pas cette colère n'est pas touché par cette colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a eu cette colère? Les premiers, pourquoi? Pour avoir eu la science et ne pas l'avoir appliquée. Et ne pas l'avoir appliquée. Il y a un homme, fi Sahih Muslim, le prophète sallam a parlé de cet homme-là. Il a parlé de cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet homme-là, il est arrivé avant la venue de Mohammed, avant que Risala soit révélée, avant que le Coran arrive. C'est-à-dire que le dernier qui a derrière lui, c'est Ibrahim, ou Ismaïl. C'est Ismaïl, la religion de Ismaïl, alayhi salat wa salam. Mais il n'en a pas entendu parler. Il est arrivé, il était de la Mecque. Mais subhanallah, il détestait tout ce que le Quraysh faisait comme shirk. Il leur disait, comment vous pouvez égorger cette brebis pour un autre qu'Allah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, elle, qui a créé la pluie, qui est descendue sur le sol, qui a fait pousser de l'herbe, elle a bu, elle a mangé de cette herbe-là, elle vous a donné du lait. Et cette bête-là, à la fin, vous la donnez à qui? À un autre qu'Allah. Alors, fausse divinité. Il a détesté ça. Il a dit, je vais chercher la religion d'Ibrahim. L'unicité d'Allah. Sans shirk. Dénué de toute association. Et il a marché, il est parti de la Mecque. Il est arrivé à Indal Yahoud. Il a dit, il n'y en a que deux que je peux aller voir dans ce cas-là. Al Yahoud ou Al Nasara, Ahlul Kitab, les gens du livre. Il est parti voir Al Yahoud, il leur a dit quoi? Moi je cherche la religion d'Ibrahim. Et vous êtes les plus près, là-dedans vous êtes les gens du livre. Alors aidez-moi à ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Si tu veux la colère d'Allah, alors reste avec nous. C'est sahih muslim, subhanallah. Le hadith sahih. Si tu veux la colère d'Allah, alors reste avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la science, mais ils n'ont pas appliqué. Il a dit, je sors de la colère d'Allah, ce n'est pas pour y retourner. Yani, shirk. Puis il est parti. Il les a laissés. Il est retourné vers les deuxièmes. An-Nasara, les chrétiens. Deuxième partie des gens du livre. Ceux qui ont reçu l'Injil. Les premiers ayant reçu la Torah, ou le Zabur. Il leur a dit, moi je cherche la religion d'Ibrahim. À part les autres, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Ils lui ont dit, si tu veux l'ana, si tu veux la malédiction d'Allah, alors reste avec nous. Il a dit, j'en sors, ce n'est pas pour y retourner. Subhanallah. Les premiers ont la science, mais ne l'appliquent pas. Les deuxièmes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de science, mais ils appliquent. À leur source, comme ils veulent. Ils veulent adorer Allah comme chacun le veut. Wahadi fait ça comme ça, Wahadi fait ça comme ça. C'est ce qui se passe dans notre umma aujourd'hui pour la bid'a, l'innovation. Chacun veut se mettre à adorer Allah comme il le veut. Subhanallah. Ya akhi al-muslim, mon frère, le Coran, tu n'as pas, c'est pas que tu as des convictions et tu vas chercher dans le Coran ce qui va avec tes convictions. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toi qui dois être soumis au Coran. Tes convictions ne sont tirées que du Coran et de la sunna du prophète sallam, et non pas le contraire. Wahati se dit, moi je vais faire ça comme ça. Et je vais aller chercher la preuve dans le Coran et la sunna. Ça, c'est l'innovateur qui fait ça. Mais toi, tu n'es pas un innovateur. Toi, tu veux la sunna. Donc, tu vas chercher dans le Coran la sunna et mettre ça dans ton cœur. Et non pas avoir une chose dans le cœur et aller chercher, te réconforter le cœur dans le Coran et la sunna. Et là, tu transformes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son discours sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il les a délaissés. Et on lui a dit avant, il va sortir, puisqu'ils ont les livres saints révélés. Et la venue de Mohammed a été révélée dans ces livres saints. Ils lui ont dit, il viendra un prophète de chez toi, de la Mecque, du nom de Ahmed, ou Mohammed. Vous savez qu'il a plusieurs noms, le messager d'Allah. Alors retourne là-bas. Puis il est mort sur le chemin, il a été tué par des brigands de chemin. Ils l'ont tué. Le prophète a dit, cet homme-là, lui tout seul, le jour de la résurrection, représentera une communauté à lui tout seul. Subhanallah. Il est mort avant même que Ar-Risala soit révélée. Regarde la sincérité de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il en est de nous qui avons les livres? Le Coran et la Sunna. On les a. On a des ulama, on a des savants. Il y a des cassettes, il y a des livres, il y a des universités islamiques, il y a tout. Mais où sont les fruits de tout ça? Chacun doit faire les efforts là-dessus. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa ad-dallin. Donc tu demandes là qu'Allah Azza wa Jal te mette vers ceux qui ont suivi la droiture et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas suivre ceux qui ont la science et qui ne l'ont pas appliquée, et ceux qui n'avaient pas de science et qui ont voulu appliquer. J'ai bientôt fini, inshallah, parce que je vois des têtes qui se baissent. Comme disent les mashayir, quand tu commences à voir les têtes et les yeux qui commencent à se baisser, ça veut dire qu'il faut finir. La conclusion, inshallah. Ça, en vérité, c'est le sens global. En vérité, comme ils disent les ulama, on peut écrire des livres et des livres et des livres sur le sens de l'Fatiha. Puisqu'on a dit que tout l'islam, en vérité, il est compris dans l'Fatiha. D'où son importance. Et on espère après ça, inshallah ta'ala, que chacun d'entre nous, lorsqu'il lira l'Fatiha, ou bien il l'entendra dans Qiyam al-Lil, qu'il saura véritablement le sens de ce qu'il est en train d'écouter, ou bien ce qu'il est en train de dire. Et surtout, d'appliquer cette science. Al-Fatiha, si tu regardes bien, soual, une question. Le Coran, il commence par une chose et il finit par la même chose. Laquelle? Mais il commence pas par Sourate al-Nas. Taïb. Donc il commence par une surah et finit par une surah. Taïb. Le Coran, kulluhu, il est avec surah. Là. C'est vrai, mais c'est pas ça la réponse. نعم كذلك كما في التوحيد يفني في التوحيد وفي الحقيقة القرآن كله التوحيد كما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم قلت كوا على فن امين après quoi on dit امين après الدعاء la dernière سورة du Coran c'est quoi سورة الناس قل اعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس c'est pas une dua ça c'est une dua le Coran il commence par une dua et il finit par une dua une autre chose on a dit que le Fatiha c'est donc une dua sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah t'apprend comment faire dua puisque c'est une dua et on dit amin il t'apprend la manière de faire dua regarde comment elle t'éduque Allah tabaraka wa ta'ala t'éduque par sa parole c'est que lorsque tu fais une dua commence par les louanges sur Allah puisqu'Allah a commencé cette dua par les louanges sur lui-même et les éloges Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yumiddin tout ça c'est des éloges d'Allah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim et ensuite tu fais la dua ce que tu demandes Adab al-dua il y a le comportement de l'invocation comment faire une invocation Pour finir, Inch'Allah, on sait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son livre et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam, a parlé de son unicité. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, Allah, tabaraka wa ta'ala, s'est rendu unique lorsqu'il parle de ses noms et de ses attributs. Il s'est rendu unique dans la manière de l'adorer. Qu'on adore Allah seul, de nous envers Allah. Qu'il faut qu'on adore Allah selon le Coran et la Sunna et l'adorer lui seul. Il s'est rendu unique là-dedans. Puis il s'est rendu unique dans ses attributs, comme on l'a dit. Il s'est rendu unique aussi dans le fait qu'il est le Seigneur des mondes, qu'il est le roi dans son royaume et qu'il gère son royaume comme il le veut. Quand il le veut et de la manière qu'il le veut, comme on l'a dit et on l'a expliqué. Mais il a rendu une personne unique. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel sens il l'a rendu unique? Dans le sens où il est le seul digne d'être suivi. Il est le seul digne d'être suivi dans la religion. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, uswatun hasana, il est le meilleur des exemples. Donc il est le seul digne d'être suivi. Tout ça, on l'a fait sur la Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yumiddin. On a l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Allah s'est rendu unique ici dans l'adoration. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta alayhim. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblé de bienfaits. On a bien vu que parmi eux, il y a qui? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve cette unicité dans le suivi du prophète et du messager, alayhi salatu wa sallam. Donc tu vois bien que cette sourate, en vérité, elle est complète. Wa nasallahu tabaraka wa ta'ala, ilman nafi'a, wal amal salih, wal fam fi kitabihi, wa fi sunnati nabihi, alayhi salatu wa sallam. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous fasse comprendre son livre et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam et qu'il nous fait comprendre cette surah ainsi que toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la science profitable et qu'elle soit appliquée et bien comprise barakallahu li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin subhanakallahumma bihamdik wa ashadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilik وفيكم وبارك الله